Les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sont fleuries à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie. Devant les statues sur la colline Mansu, se trouvait déposée la corbeille de fleurs au nom du respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. On y a déposé avec les bouquets et tiges de fleurs les corbeilles au nom des organismes du parti, des forces armées, du pouvoir, des formations sociales, des ministères, des établissements centraux, des troupes de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, entreprises, usines et écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang. On s'est incliné devant les statues. Dans les autres endroits de Pyongyang et dans tout le pays aussi, on a fleuri les statues et les portraits en sourire des grands leaders.